Dans ma tête c'est le bordel, je me pose 600 000 questions. Je me confie à fleur de peau, je peux pas retourner mon veston. Mais de quel droit les gens me portent un jugement? Si tu savais qui j'étais, tu changerais largement. L'époque change et c'était bien mieux à l'ancienne. Avec âge et regrets viennent, c'est ce que la vie m'enseigne. Si en surface je dis tout ça, c'est que dans le fond j'enseigne. R.I.P. le bon vieux temps, c'est devenu mon enseigne. Mais comment rester tranquille quand la vie nous met des claques? D'où j'en vis, c'est le déclic, ma foi en est restée intacte. On me reproche d'être un peu trop solitaire, mais tu peux demander à mes proches, je serai le premier solitaire. Sous une apparence de glace se cache la chaleur de mon cœur. Donc si mon sourire est absent, n'en tenez pas trop rigueur. Marre d'être lunatique, enfermé et trop râleur. La prochaine fois que je prends le train, je vous promets d'être à l'heure. Enfermé dans une routine qui n'est pas la mienne, j'appréhende un futur sans elle. Marre de vivre en parallèle, il faut pas que je baisse les bras, il faut que je remonte en scène. Enfermé dans une routine qui n'est pas la mienne, j'appréhende un futur sans elle. Marre de vivre en parallèle, il faut pas que je baisse les bras, il faut que je remonte en selle. La vie est bien trop courte pour se tirer dans les pattes. Malgré ça on se déchire, putain comment ça m'épate. La vie a-t-elle un sens? Franchement je ne sais plus. N'y a-t-il que l'enfance qui mérite d'être vécue? Je suis pas du tout suicidaire, je suis complètement décalé. Et quand mes propos te sidèrent, c'est que moi ils m'ont calmé. Je me confie qu'à mon cahier, c'est le seul qui me demande. Quand j'ai un excès de tristesse, l'écriture paye mon amende. Allez, certains diront que j'en rajoute, car il paraît que pour être triste, il faut une arme sur la joue. Y'a des soirs où c'est la fête, y'a des soirs où ça va mal. L'écriture comme baromètre pour mesurer le moral. Je vis en parallèle, car mon monde ne tombe pas rond. Et je ne compare qu'à elle, à mon frère, à mes darons. Mon bonheur est cette épée qui est ancrée dans l'enclume. Et ça, je te le jure, sur la mine de ma plume. Enfermé dans une routine qui n'est pas la mienne, j'appréhende un futur sans elle. Marre de vivre en parallèle, il faut pas que je baisse les bras, il faut que je remonte en selle. Enfermé dans une routine qui n'est pas la mienne, j'appréhende un futur sans elle. Marre de vivre en parallèle, il faut pas que je baisse les bras, il faut que je remonte en selle. On va dire que je suis bizarre, qu'il faut pas me chercher à comprendre, qu'il faut me laisser parler pour que comme ça je sois content. Je vis en parallèle, même dans ma bulle, oui je vis en parallèle. Je ne sais pas si tu l'as vu, au fond c'est peut-être vrai, je suis sûrement un associable. Chaque espoir que je construis s'effondre comme un château de sable. Les gens ont l'impression que mon cœur est une armure, parce que quand ils me parlent en face c'est comme s'ils parlaient à un mur. Ouais, que mon cœur est une armure, que mon cœur est une armure, c'est comme s'ils parlaient à un mur, c'est comme s'ils parlaient à un mur. Guillermo, en parallèle, en parallèle, en parallèle, en parallèle, en parallèle, en parallèle. Je vis en parallèle, c'est pour ça que je marche droit. Croyez-moi, mon cœur est chaud, même si mon regard est froid. Enfermé dans une routine qui n'est pas la mienne, j'appréhende un futur sans elle. Marre de vivre en parallèle, il faut pas que je baisse les bras, il faut que je remonte en selle. Enfermé dans une routine qui n'est pas la mienne, j'appréhende un futur sans elle. Marre de vivre en parallèle, il faut pas que je baisse les bras, il faut que je remonte en selle. En parallèle, en parallèle, en parallèle, en parallèle, en parallèle, en parallèle. Marre de vivre en parallèle, il faut pas que je baisse les bras, il faut que je remonte en selle. En parallèle, en parallèle, en parallèle, en parallèle, en parallèle, en parallèle. Marre de vivre en parallèle, il faut pas que je baisse les bras, il faut que je remonte en selle.